Ce matin, je vais vous parler des trois formes de magie, des bienfaits et des méfaits de trois formes de magie. Il s'agit premièrement de magie fétichiste, c'est-à-dire les astuces. Deuxièmement, il y a les rites cérémoniaux. Donc ça, c'est de la haute magie cérémoniale. Et enfin, troisièmement, il y a la magie théurgique. Je vais vous parler des bienfaits et des méfaits de ces trois formes de magie. Pardonnez-moi de n'avoir pas averti beaucoup de monde, mais pour les 8 personnes qui sont là, vous pouvez inviter 5, chacun de vous, inviter 5 personnes avant que vous ne démarriez. Je ne vais pas vous garder longtemps et je répondrai également aux questions. Merci. Merci beaucoup et soyez tous salués comme le veut la tradition. Je tiens ici donc à vous dire merci une fois de plus, ceux qui de loin et de près contribuent justement à l'existence de cette chaîne YouTube, car les sujets que je viens traiter, généralement, indépendamment de mes méditations, elles sont des questions qui résultent ou qui simplement que je puise à partir de mes forums, donc les gens qui posent beaucoup de questions. Et c'est ainsi donc que vous pouvez évoluer chacun chez soi tranquillement sans avoir à faire des magies quelconques auprès de qui que ce soit. Donc, je viens répondre ici à une question très fondamentale. Et la réponse à cette question, elle est fonction, n'est-ce pas, de certaines informations qui vous pouvez avoir accès. Et également, je pourrais dire 95%, ce sont mes propres expériences, car c'est à travers ces trois voies que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons parler des bienfaits et des méfaits des trois formes de magie. En effet, comme le mot magie le dit, c'est tous devez le si vous devez le savoir que magie est synonyme de sorcellerie, c'est-à-dire la maîtrise des connaissances connaissantes, laquelle maîtrise vous permettra donc de comprendre les grands mystères de la vie et de résoudre les problèmes au quotidien. C'est tout simplement basé sur la grande connaissance, la connaissance transcendantale, la connaissance connaissante. Mais cette connaissance connaissante a malheureusement des bienfaits et des méfaits. Et justement, cette connaissance connaissante qui est capable de transformer votre vie et votre âme, et vous permet de vous connecter avec les entités de l'au-delà, vous permet de vous connecter avec l'esprit divin universel, vous permet de vous connecter avec les égrégores religieux, vous permet de vous connecter également avec les égrégores des fraternités, etc. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc, avant de pouvoir donc aborder le vif du sujet, j'ai dit bonjour à tout le monde. Je constate qu'à Londres, il y a deux personnes qui se sont présentées. Merci beaucoup. Merci de me suivre depuis Londres. Et je m'excuse que durant la semaine dernière jusqu'à hier, il y avait un déphasage horaire parce que j'étais en Californie. Et comme vous le savez, de la Californie, la différence horaire entre la Californie et l'Europe et le Gabon, c'est près de 9 à 10 heures. Ce qui fait que ce n'était pas facile de pouvoir communiquer avec certains d'entre vous. Et je sais également qu'il y a certaines personnes, près de 9, qui attendent toujours leur consultation, veuillez me pardonner parce que j'étais en déplacement et certains devaient le savoir. Vous avez suivi les deux vidéos que j'ai sorties avant celle-ci. Je les ai faites en Californie. J'étais invité dans trois différentes villes, LA ou Los Angeles, à San Diego et également à Irvine, Orange County. C'est ça, j'étais invité par des frères. Et c'est ainsi donc pour aborder ce sujet. Une fois de plus, soyez tous les bienvenus, mes frères du Gabon, mes frères du Congo, mes frères de la France. Je vois Lady de Paris, également ceux qui me suivent depuis le Burkina Faso, ceux qui me suivent depuis le Rwanda. I have to address all my thanks to you guys because I know in Rwanda you guys you don't speak French mainly, you speak English. It was a very big change and the last time I went there, the last time I was there is a couple of months ago. You welcome me in your country and I appreciate you guys to watch me from Rwanda as well as Tanzania. Tanzania, you guys are waiting for me for a couple of months. And the folks who are here in the US, I appreciate it also. Now, we're going to talk about this main topic, which is very important because people get confused between what we call magic. The magic, as you know, we got different levels in magic. So that's what we're going to talk about. Allons-y tout droit pour parler d'abord des bienfaits. Les bienfaits de la première forme de magie qu'on appelle la magie fétichiste. Qu'est-ce que c'est une magie fétichiste? Eh bien, comme le mot le dit, c'est la magie qui est basée sur le fétiche. Qu'est-ce que c'est un fétiche? Si nous allons consulter, parce que les gens ont toujours tendance à confondre les mots. J'ai apprécié un jeune homme, un jeune Gabonais, qui présente une émission à la chaîne nationale qui a pu recadrer la définition du mot sorcellerie. Et j'apprécie cela. C'est comme s'il a suivi mes enseignements, mais merci beaucoup. Donc, nous allons parler un peu du mot fétiche. Okay? La définition du mot fétiche. Ça, c'est la première forme de magie. D'accord? Première forme de magie, c'est la magie fétichiste. D'accord? Nous allons donc voir d'abord ce que le mot fétiche veut dire. D'accord? Bon, Google, avec les dictionnaires, on nous dit fétiche. D'accord. Objet de culte des civilisations animistes. Objet auquel on attribue un pouvoir magique et bénéfique. Objet auquel on attribue un pouvoir magique bénéfique. Objet de culte des civilisations. Et qui donne ce genre de formation? Ce sont nos frères blancs. Alors, ils ne savent pas réellement ce qu'on appelle fétiche. Un fétiche, je l'ai toujours dit, c'est un ensemble d'astuces. Un ensemble d'astuces lesquelles astuces sont divulgués par un initié des mystères, un initié des mystères, un initié de nos traditions. Ça, le fétiche se fait également en Chine. J'ai un ami chinois qui m'a initié dans le Qing Kong et le Wang Tang qui m'a montré beaucoup de fétiches. Donc, le fétiche, ce n'est pas seulement en Afrique. Donc, le mot fétiche, retenez, contrairement à ce qu'on dit, c'est quelque chose qu'on attache pouvoir, je ne sais pas trop, et c'est ça, malheureusement, la définition que beaucoup d'entre vous. Un véritable initié doit savoir la lexicité ou la terminologie exacte. Ici, on nous dit c'est objet de culte des civilisations animistes. Donc, ça veut dire c'est un objet de culte, par exemple, des bouddhistes, que ce soit un fétiche, objet auquel on attribue un pouvoir magique. Non. En tant qu'initié au niveau où je suis, on ne peut pas se permettre de fabriquer, de vous, moi je ne peux pas me permettre d'attribuer un pouvoir à un objet comme ça là. Les attributions ne se passent pas. C'est un grand travail magique. Bon, bref, pardonnez-moi. Je ne veux pas argumenter avec Google. Et ce n'est pas Google. Google, les informations qu'on trouve dans Google, c'est qui? Ce sont des gens qui sont pour la plupart, surtout quand il s'agit de parler de fétichisme, quand il s'agit de parler de magie ou de sorcellerie, c'est la plupart qui ont été influencés par la culture religieuse romaine, catholique, romaine, donc l'église catholique et autres, l'église éveillée. Donc le mot fétiche, la première magie qu'on appelle la magie fétiche, c'est quoi? C'est une magie qui est basée sur la connaissance de pas mal de choses, des secrets. Donc on appelle ça des astuces. Ces astuces, vous avez sûrement entendu parler, on vous parlera des bains. Tiens, un exemple de bain. J'ai ici quelques exemples de bains que je vais montrer, par exemple, en direct. Where are you? OK. Voilà un bain que vous pouvez faire chez vous. Ça, ça fait partie des fétiches. Mais là, dans la définition, on dit le fétiche, c'est l'objet auquel on attribue un pouvoir. Même moi, je dis non. Vous allez d'accord avec moi? Voilà la magie fétichiste. Ici, nous avons le laurier. C'est des feuilles de laurier séchées. D'accord? Et ici, j'ai de l'encens pontifical. C'est un encens très puissant. Je l'avais commandé et je commande ça toujours de la France. Et ici, il y a la sage blanche. La sage blanche. Il y a également la sage verte. Je crois avoir ça quelque part dans mon stock des affaires ici, dans mon sac. Ces trois éléments à eux seuls peuvent vous permettre, c'est une forme de fétiche, vous n'avez pas besoin de commander un objet magique, vous n'avez pas besoin d'aller voir un prêtre ou je ne sais pas trop, un sorcier, mais simplement appliquer ceci. C'est ça le fétiche. Le fétiche, c'est un ensemble d'astuces qu'on vous donne. Là, je vous ai donné une astuce, non? Ça là, c'est pour vous purifier votre âme, vous purifier des mauvais éléments. Donc, vous prenez le laurier séché, vous mettez dans un encensoir. Voici ce qu'on appelle un encensoir. Là, c'est un tout petit. Et dans lequel encensoir, vous allez mettre les graines de l'encens pontifical et les feuilles de laurier. Et vous allez brûler également la feuille de sage blanche. Parce qu'il y a la sage verte, la sage noire. Et une fois que vous avez brûlé tout cela, vous allez donc prendre une couverture. D'accord? Et vous prendrez la couverture. Voilà. Et vous vous couvrez. Et donc, cette fumée-là, ce qui brûle, donc tout ce qui brûle, l'encens pontifical, la feuille de laurier, plus la feuille de sage, donc cette fumée-là va purifier votre âme, va en un mot chasser les entités négatives qui rôdent autour de votre âme. Ça, c'est ce qu'on appelle la magie fétichiste. Voilà les bienfaits. Les bienfaits de ça, c'est que ça a des avantages. L'avantage ou les bienfaits, quand vous le faites, vous êtes à l'abri. On ne va pas vous demander des millions. On ne va pas vous dire, non, il faut amener une natte. Oh, il faut amener ceci. Oh, il faut amener un tchégué. Oh, il faut amener les cloches, je ne sais quoi. On ne va pas vous demander tout cela. Ça sont les bienfaits. D'accord? J'ai pris un exemple, donc la première magie qui est la magie fétichiste. Le fétiche, je le répète, contrairement à la définition qu'on a toujours en Afrique, oh, j'ai fétiché cet homme-là. Oh, je vais féticher cette femme. Donc, les gens malencontreux m'ont donné une mauvaise définition. C'est vrai, vous pouvez féticher quelqu'un. Quand vous fétichez quelqu'un, ça veut dire quoi? Mais vous prendrez toujours des éléments que vous puisez de la nature. Et c'est en mélangeant ces éléments-là que vous serez capable d'obtenir la solution. D'accord? Bien fait. Je prendrai l'exemple. Vous voulez faire un philtre d'amour ou envoûter le cœur d'un homme ou d'une femme. Eh bien, on va vous donner des astuces. Ça, c'est ce qu'on appelle le fétiche. D'accord? L'astuce, là, c'est quoi? Bon, moi, l'une des astuces que je maîtrise, c'est le cadenas. Mais dans le cadenas, il y a une formulation. C'est-à-dire, il y a des conjurations et des paroles qu'il faut prononcer. Et il faut savoir, il y a trois endroits distincts où vous pouvez jeter ce cadenas-là. Là, je prends l'exemple du fétiche. Maintenant, ça, les bienfaits, c'est quoi? La femme va venir vers vous. Les bienfaits, c'est quoi? Ces fumigations ou les feuilles que je venais de vous démontrer, vous vous couvrez. Quand vous allez sortir de là, votre esprit brille. Quand vous allez même demander un emploi, les trois éléments que je vous ai donnés là, eh bien, vous verrez. Ah oui. Donc maintenant, un détail important de ce fétiche, vous pouvez le faire également avec le laurier frais. C'est-à-dire le laurier, la feuille laurier qui est fraîche. Hein? Toute fraîche, quoi, verte. Mais là, en ce cas, vous n'allez pas brûler. Dans ce cas, vous mettrez dans un bain. Vous voyez? Vous mettrez ça dans un seau. Maintenant, l'encens pontifical, vous pouvez toujours brûler cet encens accompagné de la sage. Ça, c'est les techniques que j'ai apprises ici auprès des Amérindiens. Maintenant, en Afrique, il y a d'autres feuilles que vous pouvez prendre. Par exemple, le feuille de goyavi est beaucoup sollicité. Les feuilles de quinqueliba est beaucoup sollicité. Et bien d'autres. Ça, c'est les bienfaits. Maintenant, les méfaits, c'est quoi? Les gens ont tendance à ignorer quelque chose derrière les fétiches. J'ai même vu dans mes forums un frère qui est très avancé, il a des connaissances, et Dieu merci qu'il a donné l'avertissement. Je parle du forum Maroc. Là, quand j'ai pris connaissance, ce jeune a bien dit, mais attention, n'abusez pas parce qu'il y a des retombées. Bon, je ne vais pas inventer, je veux pouvoir voir un peu ce qu'il a dit. Parce qu'il donne, et ça m'a vraiment impressionné, il donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de fétiches là-dedans. Il y a beaucoup de fétiches qu'il met à la disposition des gens. Maintenant, vous qui n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Ainsi, vous trouverez beaucoup, beaucoup d'informations. D'accord? Voilà ce qu'il a dit, ce qui m'a beaucoup intéressé. Excusez-moi, je ne suis pas un maître qui enseigne. Je brise le voile de l'ignorance, blablabla. Et ensuite, il parle que. Voilà la partie qui m'a intéressé. Les astuces que je vous montre ici, c'est bien beau de les suivre, mais il faut faire très attention du mauvais usage. D'accord? Il faut faire très attention du mauvais usage que vous en faites de ces connaissances que je partage ou ces éléments que je vous donne ici. Alors, c'est ça le danger, c'est le côté danger maintenant que je vais développer. C'est-à-dire que quand vous faites tous les fétiches là, les astuces qu'on vous montre. Il faut suivre à la lettre. Vous les suivez à la lettre, eh bien, vous aurez le pouvoir que vous voulez. C'est à travers ces astuces là. Mais le mauvais côté, je commencerai par exemple, pour le cas de la protection, il n'y a pas de méfait pour cela. Mais pour le cas du fétiche, par exemple, de prendre, charmer le corps de quelqu'un pour attirer l'argent, voilà, j'ai vu le cas, par exemple, pour l'argent, ce jeune frère en parle. D'accord? Les méfaits, c'est quoi? Il faut savoir que derrière tout élément qui demande un miracle rapide par des astuces, il y a toujours des conséquences. Je m'explique. Le cas, par exemple, de enfermer le cadenas, enfermer le nom de la femme ou enfermer le nom de l'homme, ça sont des techniques d'envoûtement et surtout de filtre d'amour. Vous allez l'enfermer là-dedans. Mais sachez que cette personne n'est pas ma boule. Au fur et à mesure que cette personne-là va commencer à se poser des questions, les gens vont commencer à l'interroger. Les parents, par exemple, vont dire, mais toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi cette femme-là? Pourquoi depuis que tu es dans ce mariage? Pourquoi? Ouais, beaucoup de questions vont commencer à éveiller votre conscience. Et dès lors que votre conscience commence à s'éveiller, vous allez commencer à chercher. Et quand vous irez chercher, vous découvrirez finalement que non, eh bien, il y a la personne qui vous a fait le fétiche, c'est-à-dire à utiliser des astuces afin d'avoir un pouvoir sur votre âme. Voilà les méfaits. et le méfait, ça va aller plus loin. Pour vous-même, la personne va aller, par exemple, dire, OK, moi, je ne vais pas faire du bruit, mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose qu'on appelle un contre-pouvoir. Et ça existe. Ça veut dire qu'il y aura un contre-pouvoir de magie fétichiste. Vous allez, il y a un autre sorcier qui va utiliser également ces fétiches. Alors, ces fétiches vont permettre à la personne qui a été fétichée de pouvoir contrecarrer le féticheur sous couvert de la personne qui a été qui a utilisé le fétiche. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, vous venez me voir, je suis l'auteur du fétiche. Et vous, vous êtes la personne qui utilise seulement le fétiche pour pouvoir féticher l'autre. Donc, il y aura donc dans ce travail-là deux attaques. L'attaque auprès de la personne qui a fait le fétiche à l'autre, mais également le féticheur. Donc, nous qui vous donnons ces astuces ou qui vous donnons ces fétiches, nous sommes également exposés à des dangers. Et les méfaits donc sont, il y aura toujours un retour de contre-pouvoir. Est-ce qu'on a retenu? Il y a beaucoup de bienfaits dans les astuces qu'on vous donne. Vous allez faire des bains, vous allez faire ceci. Mais attention, si vous faites des bains uniquement pour l'élévation de votre esprit, si vous faites des bains pour uniquement votre protection, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites ces bains-là pour vouloir envoûter quelqu'un, pour vouloir, parce que vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'esprit individuel, forcer les choses sur l'esprit de quelqu'un d'autre, parce que vous ne savez pas comment cette personne a été préparée, vous ne savez pas comment cette personne est, vous ne savez pas exactement sa vie passée ou sa vie incarnatoire, vous ne savez pas à quel niveau de conscientisation, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas trop. D'accord? Maintenant, on aborde le deuxième aspect. C'est la magie qu'on appelle la magie dite des rites cérémoniaux. Les bienfaits des magies cérémoniales, mais c'est très beau. Vous allez faire toute la cérémonie. Je vais vous donner un exemple pratique. Les magies cérémoniales, généralement, elles se font face à face. C'est-à-dire, un grand maître magicien ou mage vous forme. Il s'agit de faire des conjurations, des invocations, des appels. On convoque certaines entités. C'est ce qu'on appelle les rites cérémoniales. Et vous avez également, pour ceux qui ont sûrement, pour ceux qui ont connu ce qu'on appelle la Kabbale, il y a les 72, par exemple, les génies de la Kabbale que vous pouvez convoquer. Et pour ceux qui ont le livre de la lumière sur le royaume, sur ce que j'appelle toujours le livre bleu, là-dedans, vous verrez que dans la partie pratique, c'est-à-dire dans la manipulation maintenant, dans les rites d'appel qu'on appelle la magie de feu, c'est la magie de feu, c'est la magie qui permet de déclencher maintenant les pouvoirs. Donc, dans cette deuxième forme de magie-là, c'est-à-dire la magie des rites cérémoniales, les bienfaits, c'est que généralement, quand vous respectez très bien les consignes, vous verrez que vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Même l'argent. Mais, même l'argent, vous allez recevoir. D'accord? Protection, promotion, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce que ici, c'est différent des fétiches. Souvenez-vous que les fétiches, ce sont des astuces qui, pour la plupart, sont faites à base de la mère nature que vous allez mélanger. Vous faites une forme d'alchimie spirituelle. Mais par contre, les rites cérémoniales, c'est plutôt une provocation. Permettez-moi, c'est peut-être l'exagération encore, vous me pardonnerez, mais en fait, c'est cela le mot. Vous provoquez, vous cherchez à déclencher, vous cherchez à faire déplacer les entités de l'au-delà. Ces entités sont de divers niveaux. Hein? D'autres sont du bas astral, d'autres sont du haut astral, c'est-à-dire soit des maîtres qui sont à une certaine autre dimension, qui parfois s'intéresse à vous. Là, vous faites des rites qu'on appelle les rites de la magie cérémoniale. Les bienfaits, comme je disais, vous allez vous créer des amitiés avec ces entités de l'au-delà. Vous allez vous créer des amitiés même avec des esprits que vous ne connaissez pas. D'accord? Moi, personnellement, quand je suis rentré dans la Kabbale, il y a bientôt 40 ans, moi, je pensais là à faire seulement des signes, des gestuels, des symboles, et je vous donne un enseignement ici, le danger des symboles. Il faut éviter de faire des symboles n'importe comment, tracer des signes dans l'air n'importe comment, parce que ça peut faire appel à certains esprits. Parce que certains esprits, pour les convoquer, ça fait toujours partie des rites cérémoniales. Il faut utiliser certains signes. Il faut utiliser un code, un langage. Il faut faire émettre certains sons. Il faut savoir comment prononcer les noms correctement. Donc, les bienfaits, c'est que ça vous met à l'aise. Ça vous met, si vous voulez, dans un autre monde. Vous, vous pensez que vous êtes orphelin, mais en réalité, vous n'êtes plus orphelin. Voilà les bienfaits. Parce que vous êtes sous la haute protection de ces mecs-là. Ils vous assistent. Et on les appelle les maîtres invisibles de l'au-delà. Maintenant, chez nous en Afrique, on appelle ça les génies. Et chez nos frères musulmans, ils appellent les djinns. Donc, Vous êtes donc, si vous voulez, entouré de tous ces mecs-là à cause des rites cérémoniaux que vous faites. Les rites cérémoniaux magiques. Je répète qu'il y a une différence entre le rite cérémonial magique et les rites fétichistes. D'accord? Alors, les méfaits, justement, des rites cérémoniaux, les méfaits de la magie cérémoniale, c'est quoi? Mais c'est que lorsque vous mettez à opérer, à convoquer ces esprits-là, ben, si vous par mal, comment on appelle ça, par oubli, si vous avez omis, par exemple, de vous purifier, si vous avez omis, par exemple, de ne pas, avant de venir faire le rite, vous avez, par exemple, eu à faire l'amour. Et ça, vous avez oublié. Parce que généralement, il y a des consignes. Quand vous faites la magie des rites cérémoniaux, voilà pourquoi la plupart des grands mages sont célibataires. Ils ne touchent pas aux femmes. Ils ne touchent pas aux alcools. Ils gardent certains jours de silence. Parfois, 3, 4, 5 jours. Ils choisissent certains jours. Ils n'aiment pas être dérangés. Ils passent beaucoup plus de temps dans la méditation. Mais c'est de cette façon qu'eux, ils nourrissent un peu ces entités ou ces anges-là. Parce que ces anges ou ces esprits au-delà ou ces grands maîtres invisibles aiment que vous passiez, passiez beaucoup plus de temps avec eux. C'est ça l'inconvénient. Maintenant, quel est l'être humain étant sur Terre? Moi, par exemple, à l'époque, j'avais deux boulots, mais ce n'est pas facile. Vous avez deux boulots, tu dois aller au sport, tu dois t'occuper de la famille, tu dois amener les enfants à l'école, tu dois t'occuper des chiens. Mais maintenant, vous avez touché le chien, vous n'êtes pas purifié et vous venez maintenant faire un rite cérémonial. Non, ça ne marche pas comme ça. Les rites cérémoniales, souvent, ça exige d'une haute moralité, ça exige une haute pureté, ça exige beaucoup, beaucoup de préparation à comparer avec les fétiches. Le cas des fétiches, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de ne pas faire le sexe. Vous pouvez faire le fétiche des gens, c'est-à-dire les astuces que vous donnez aux gens. On ne va pas, par exemple, le bain que je viens de vous montrer, je ne vais pas vous dire non, il ne faut pas avoir sexe, ou il ne faut pas faire ceci. Ou bien si vous voulez attirer l'argent à travers le fétiche, on ne va pas vous dire non, il ne faut pas faire ceci. Non, il n'y a pas ce genre. Mais par contre, dans la magie cérémoniale, ça, c'est un contact entre vous avec ceux qui vivent dans l'autre monde. Ça peut être des humains comme vous, mais qui sont devenus des désincarnés. C'est-à-dire, ce sont des mecs qui vivaient sur Terre, qui étaient puissants. Par exemple, moi, si aujourd'hui, je quitte la planète Terre et que mon heure de... L'heure de l'immortalité n'a pas sonné, les maîtres peuvent décider que je reste un moment là-bas. Mais pendant ce temps, je peux voir certaines personnes qui s'intéressent à la spiritualité, qui s'intéressent au contact avec les esprits de l'au-delà. Et moi, je peux m'interposer. Maintenant, je travaille avec vous, mais il y aura des exigences que je ferai de vous. Donc, le danger, les méfaits des rites cérémoniaux, un, on vous exige beaucoup de haute moralité, on vous exige beaucoup de haute pureté. Et souvent, il faut éviter d'oublier. Par exemple, je ne vais pas vous montrer, là, sur mon temple, ici, j'ai la liste de ce que je ne dois pas faire. J'appelle ça la liste des 25 commandements. C'est affiché là. Ce qui fait que quand le matin, je rentre, ou avant de sortir d'ici, je dois lire. Voilà, voilà, voilà. À partir de telle heure, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas serrer la main aux gens, je ne dois pas faire cela, il y a tellement qu'il ne faut pas dire. Tout le commandement est là. Et le danger, donc je disais, ça fait partie du danger parce que vous pouvez oublier. Et dès lors que vous oubliez, lorsque vous faites les rites cérémoniales, par exemple, pour sauver certains cas, vous priez pour certaines personnes. Parce que la prière fait partie de ces rites cérémoniales-là. Hein? Il faut tourner à gauche. Alors, au lieu de tourner à gauche, vous tournez à droite. Vous commettez cette erreur-là. Eh bien, il peut vous arriver malheur. Et le rite cérémonial, par exemple, pour attirer l'argent, vous avez besoin normalement de contacter un génie bien précis que vous, les chrétiens, appellent un ange ou un archange. Mais est-ce que l'archange n'a de l'argent? Non. Et ça revient encore à ce que je vous avais dit la dernière fois. Un véritable mage doit savoir que toutes les 20 minutes, il a à sa disposition 4 bons esprits que les chrétiens appellent anges ou bons génies. Et il a également 4 mauvais esprits qu'on appelle les démons. Mais ce sont tous des génies, mais des mauvais génies. Pourquoi? Parce que les bons génies, c'est-à-dire les anges, ne donnent pas l'argent. Les anges ne donnent que la sagesse. Les anges ne donnent que l'intelligence. Mais quand vous avez besoin de biens matériels, ben ce sont les démons. Mais comme vous ne pouvez pas aller demander à un démon, comment ça va se passer? Vous vous adressez à Dieu, mais Dieu n'agit pas directement. Il agit par pouvoir délégatoire. Donc, c'est un ange bien précis qui se charge de cette affaire d'argent-là. Mais lui, ce n'est pas cet ange-là. L'ange-là a son frère du bas astral, qu'on appelle le démon. Donc, l'ange va contacter le démon qui se charge d'aller voler l'argent dans les banques, qui se charge de créer les miracles, d'aller toucher les cœurs des gens, qu'on vous donne des millions, aller toucher les cœurs des présidents ou des ministres. Voilà comment ça se passe. Mais sinon, Dieu, littéralement, lui, ne donne pas l'argent. C'est-à-dire qu'un ange ne va pas vous donner de l'argent. Celui qui vous dira cela est un menteur. Parce que Dieu nous a déjà tout donné, mais que tout est géré par des entités. La matière est gérée par des esprits matériels qu'on appelle soit des élémentaux, soit les démons. Ça, c'est leur rôle. Les anges, non, ce n'est pas leur rôle. Ou bien, pourquoi j'utilise ce langage ange-démon? Mais en fait, ça cadre mieux avec la compréhension de nos frères religieux, c'est-à-dire musulmans et chrétiens. Là, ils comprennent mieux de quoi je parle. Bien. Donc, les méfaits, c'est ça. Il y aura des conséquences. Soit ces esprits peuvent vous gifler, j'ai été victime. Soit ces esprits peuvent ne pas se manifester. Dites vraiment gloire à Dieu et merci beaucoup. Et maintenant, s'ils se manifestent et qu'ils se rendent compte que votre taux vibratoire n'est pas très élevé, voilà pourquoi on ne recommande pas les méfaits de la magie ritualique, n'est pas réservé aux apprentis sorciers, n'est pas réservé à quelqu'un qui n'est pas encore initié ou avancé. Voyez-vous, ce qui explique en Afrique, quand j'étais chez moi au Gabon et au Congo, j'ai vu le cas de certains frères qui se sont précipités, par exemple, à rentrer en communion avec certains articles sous couvert de la magie cérémoniale. Parce que le maître depuis l'Inde va te demander, ben, es-tu prêt? Oui. À telle heure on va venir? Oui. Bon, telle heure, c'est-à-dire entre minuit et une heure du matin. Mais il ne vous précise pas. Entre minuit et une heure, je viendrai. Et vous allez entendre, on dirait un avion qui atterrit, le toit, et il n'y a que vous qui entendez tout ceci, un froid qui habite votre maison, l'entité est là. Maintenant, si vous êtes plus chanceux, l'esprit va se manifester des fois sous la forme d'un animal ou sous la forme d'un être bizarre. Est-ce que vous êtes prêt à supporter cela? Voilà pourquoi on a vu le cas des personnes qui sont devenues folles. Qu'est-ce qui rend fou ici? Mais la folie ici, c'est simplement la peur brutale qui va galvaniser ou frapper fort sur votre âme. C'est cette peur brusque qui va du coup déconnecter votre âme individuelle avec l'âme de Dieu. Et c'est là où on parle du phénomène de folie. Donc, du coup, vos neurones peuvent péter à cause de cette peur. Et quand les neurones se pètent, il y a donc une coupure totale de tous les centres d'enregistrement. L'hypothalamus qui est le centre d'enregistrement ne va plus communiquer avec le reste du corps. Donc, du coup, votre conscient est perturbé. Vous êtes maintenant sous le contrôle du subconscient. Parce que le subconscient à un étage qu'on appelle l'inconscient, où il y a tous ces jeux qui se passent. Bref, pardonnez-moi d'aller là-bas. Le danger, donc, c'est celui-là. Vous pouvez soit attraper le cas de folie, vous pouvez soit perdre votre vie, vous pouvez soit même permettre les gens qui sont dans la maison où vous habitez de perdre la vie. Donc, pour le cas de ce que je viens de dire, l'esprit apparaît parce que vous faites une magie cérémoniale. La cérémonie consiste pour vous donc de faire certains gestes, de certains actes, de prononcer certains mots dans votre temple. Et quand ces esprits viennent là, et quand ils arrivent, ils veulent s'assurer que vous devez être prêt. Mais par contre, si vous êtes peureux, voilà pourquoi tout au début de mes enseignements, tout sage, tout magicien, tout initié, initiateur vous dit la même chose. Que l'ennemi numéro un de toute pratique spirituelle, c'est la peur. Voilà pourquoi les quatre règles fondamentales de toute pratique spirituelle de la magie opérative ou cérémoniale ou fétichiste, les quatre règles sont les suivantes. 1. Savoir. 2. Oser. D'accord? Donc, je reprends. Il y a savoir, vouloir, oser. Je répète, donc, savoir, vouloir. Vous voulez le pouvoir. Vous avez le livre. Là, on parle de la magie cérémonielle. Vous avez ce savoir, donc vous savez, vous avez maintenant le livre. Maintenant, vous voulez obtenir. Maintenant, après, quand vous avez cette volonté-là, il faut maintenant oser. Mais si vous n'avez pas ce courage-là, parce que le mot oser vient du courage, mais si vous n'avez pas le courage, en ce moment, c'est là où il y a la folie. Voilà pourquoi on vous dit, toute pratique spirituelle, même si c'est fétichiste, faites très, très, très attention. Moi, je vois des gens qui me posent trop de questions sur certaines choses, mais j'ai vraiment pitié. Avec ma petite expérience de 47 ans dans la pratique, là, j'ai vu des cas. J'ai vu les cas des morts, mes propres cousins qui sont morts, machin, l'histoire des portefeuilles magiques, des histoires de médailles qui leur permettaient d'avoir le pouvoir, être député, des trucs comme ça, pour dominer les foules. Mais tous ces éléments-là, c'est dans la magie cérémoniale, on vous donnera une liste des éléments également pour pouvoir nourrir ces esprits-là. Parce que ces esprits-là, il faut les nourrir également. Pas nécessairement le sang humain. Mais ça finit par le sang humain, d'où les sacrifices que vous entendez, mais parce que le gars, au départ, n'a pas suivi les règles. En réalité, il y a une manière de nourrir ces esprits. Et pourtant, ce n'est pas compliqué. Mais le fait qu'on ne suit pas de près, eh bien, ça finit par créer des dégâts au sein de votre famille. C'est ainsi que ces entités-là qui travaillent pour vous vont dire, mais écoutez, on a signé un contrat, vous ne voulez pas respecter, pense, ce sont les morts bizarres. Donc, pardonnez-moi, j'ai mis beaucoup plus de temps sur cette magie cérémoniale-là, car c'est elle qui est beaucoup plus pratiquée par la plupart de nos frères de l'Inde, du Brésil et en Europe. En Europe, c'est beaucoup pratiqué, et ici, aux États-Unis également. Et d'ailleurs, c'est pas... Là où j'ai été invité, c'était justement ces frères-là qui maîtrisent ce genre de choses. Maintenant, la troisième magie, c'est la magie que j'appelle la magie théurgique, mais qui est beaucoup une magie individuelle. Théurgie venant de Théos. Théos, comme vous le savez, c'est Dieu. D'accord? Mais cette magie théurgique, elle est beaucoup plus la magie noble. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai donné dans mes enseignements, ce que j'ai appelé l'initiation douce. Dans cette magie donc théurgique, c'est vous, uniquement vous, qui rentrez en communion avec Dieu à travers ce que j'ai appelé l'initiation douce. Mais les bienfaits de ça, c'est quoi? C'est que vous-même, avec les trois P que j'ai définis, donc la préparation, la purification, le perfectionnement, vous sortez en vampire, vous revenez, tout, tout, tout, c'est des expériences personnelles. Ça, les bienfaits que vous aurez, c'est que vous allez communier avec l'univers, il n'y aura pas trop de problèmes. Ça vous donne une bonne santé, vous paraîtrez toujours jeune malgré votre âge. Et vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, si et seulement si hein, vous respectez les principes. Et là, vous constaterez que sur les trois formes de magie, il y a toujours le si et seulement si. Rien ne se fait gratuitement. D'accord? Les bienfaits donc de cette troisième magie, c'est que vous allez avoir une bonne santé, vous ne tomberez jamais malade parce que vous faites un travail triple. Vous faites un travail dans le plan physique, vous faites un travail dans le plan astral, vous faites également un travail dans le plan divin. Donc, voyez-vous les bienfaits que vous aurez? Il y a une harmonisation entre vos trois corps. D'accord? Il y a une harmonisation entre vos trois corps et ensuite avec les autres corps subtils. Donc, en un mot, près de 12 corps qui sont totalement en harmonie avec les corps célestes. Ce que j'appelle les corps célestes, c'est-à-dire avec les anges, avec les dieux, et ainsi de suite, les ancêtres, et tout ceci. C'est ça l'avantage. Maintenant, les méfaits, ben, les méfaits, c'est que si vous ne faites rien, ben, vous ne verrez rien. Dans la forme douce, la forme d'initiation que j'appelle l'initiation douce, c'est celle-là. Les méfaits, ben, si vous arrêtez de faire le travail spirituel, mais ben, vous n'obtiendrez rien. On ne donne qu'à celui qui travaille. D'accord? Là, il n'y a pas de sacrifice. C'est vous-même qui sacrifiez votre vie. C'est vous-même. Le sacrifice, c'est vous-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. Le sacrifice, c'est vous-même. Il n'y aura pas un fils qui va être sacrifié ou quelqu'un d'autre. Donc, parce que c'est vous, c'est votre cheminement. Voilà. Donc, voilà les méfaits. Vous voyez, je n'ai pas trop approfondi sur la troisième forme de magie, qui est la magie théurgique ou la magie divine. Parce que c'est une magie qui n'engage que vous, votre âme avec l'âme universelle, vous en tant qu'individu avec l'univers. C'est-à-dire, vous cherchez à vous universaliser, vous cherchez à devenir un avec Dieu, vous cherchez à tisser une relation personnelle avec Dieu. C'est là, les bienfaits et les méfaits ne dépendent que de vous. Par contre, les deux autres formes de magie, les bienfaits et les méfaits ne dépendent pas de vous nécessairement. Ça dépend des entités, parce que ce sont les entités qui vont vous dicter. Ce sont les entités qui vont faire ceci ou cela, surtout dans le cadre de la deuxième forme de magie, qui est la magie cérémoniale. Voilà brièvement ce que je peux vous dire sur les bienfaits et les méfaits des trois formes de magie. Maintenant, sûrement la question va m'être posée, mais dans ce cas, quelle forme de magie vous nous encouragerez de faire? La première magie, qui est la magie fétichiste, je peux vous encourager de le faire. La preuve en est que voilà, je viens de vous montrer une petite recette parmi tant d'autres. Je vous ai promis également, si le temps me le permettra, ce week-end, de vous donner un enseignement sur l'usage de l'iboga d'avec d'autres éléments en vue de vous protéger, en vue d'attirer la chance, en vue d'attirer l'argent. Non pas l'iboga pour vous initier, parce que vous savez, l'usage numéro un de l'iboga, généralement, c'est pour l'initiation. C'est ça. Maintenant, il y a d'autres usages, puisque dans l'iboga, on a découvert des milliers d'autres particules, pardonnez-moi, des milliers de substances chimiques, et parmi lesquelles on a trouvé l'ibogaïne. L'ibogaïne, que vous savez, ici aux États-Unis, avec la complicité de quelques membres du gouvernement gabonais, eh bien, ils enrichissent ces amis américains-là, ils fabriquent des comprimés qu'on appelle l'ibogaïne. Allez-y sur Google, je n'ai pas le temps de vérifier ça avec vous, chercher le comprimé qu'on appelle ibogaïne. Et vous verrez, ibogaïne est fait à base de l'iboga. Et le laboratoire qui fabrique ça, j'ai été visiter ça, c'est à Miami, en Floride. Voilà, par exemple, sur le cas de l'iboga. D'accord? Donc, ces astuces de premier cas du fétiche, par exemple, il n'y a pas trop de conséquences, sauf le côté sombre, c'est-à-dire quand vous voulez prendre des astuces ou utiliser la magie fétichiste en vue de dominer les autres, en vue de devenir vite milliardaire, avoir vite l'argent, avoir l'argent rapide, rapido. Donc, ça, c'est une règle très importante dans la magie. En dehors des quatre lois que je vous ai dit, hein, qu'on appelle ça, vouloir, savoir, oser, et se taire, bon, dans le côté se taire veut dire vous devez garder des secrets. C'est pour cela, dans tout ce que j'ai dit, je ne rentre pas dans la profondeur. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le côté secret. Et ce côté secret, c'est souvent au cours des séminaires, quand on se retrouve, s'il y a des gens qui m'invitent, là, par exemple, en février, en dehors de la dernière invitation, la semaine dernière, ils préparent. Vous me préparez des sujets bien précis sur lesquels nous allons, je vais me préparer par conséquent pour qu'on puisse travailler sur ça. Donc, sur donc la magie fétichiste, il faut penser à ce côté-là, qu'il y a des conséquences lorsque vous cherchez à faire quelque chose en vue de dominer les autres ou en vue de ceci ou cela. La magie cérémoniale, je vous ai déjà donné les dangers. Et donc, à la question, quelle forme de magie je peux vous conseiller, je dirais la première. Car ce sont des astuces que vous pouvez tranquillement utiliser chez vous. Et la troisième. Mais ne vous amusez pas avec la deuxième, car la deuxième forme de magie, qui est la magie ritualique cérémoniale, elle exige de vous beaucoup de maîtrise. Elle exige de vous beaucoup, beaucoup de connaissances, voire même traverser à travers plusieurs incubations incarnatoires. J'ai toujours utilisé cette expression pour dire il faut être déjà conscient dans plusieurs incarnations avant de vous lancer dans la magie cérémoniale. Car cette magie ritualique cérémoniale, vous travaillez, vous essayez de faire revivre ce que les livres saints disent que Dieu donna toute autorité à l'homme et toute domination. Et à cause de cette domination, il est capable, il est d'ailleurs le maître des univers. Et quand vous êtes maître de tous les univers, ben, c'est là le sens de la magie ritualique, là. Et ça, les entités donc, que vous allez convoquer, que vous allez manipuler, hein, dans votre pratique, doivent s'y attendre à avoir en face d'eux une femme ou un homme qui est réellement, qui a un vrai vampire, comme on le dit chez nous au Congo et au Gabon. C'est-à-dire que votre esprit est vraiment très fort. D'accord? Ça, je ne vous encouragerai pas, ne vous aventurez pas là-dedans. Par contre, si vous êtes avancé, il n'y a pas de problème. Maintenant, la troisième forme, qui est celle que j'encourage les gens de faire, et c'est pour cette raison que je parle au public tous les jours, c'est l'initiation douce. D'accord? Parlant justement de l'initiation, il y a une personne qui a posé une question. S'il y a déjà des questions sur l'écran, préparez-vous, je vais répondre. La question qui m'a été posée par une maman, elle est avec moi ici aux États-Unis, c'est une question très pertinente. Je veux pouvoir la lire devant vous. Good morning, papa. What's the difference between initiation dues and the real initiation? Et pourquoi doit-on payer 3 millions avant d'être initié? Why do one doit être initié? Quel est le bénéfice? I'm just thinking about so many things and some don't make sense to me. There are some people who are initiated, mais la vie n'est pas rose pour eux. Hein? Pourquoi avons-nous besoin de la magie? I'm confused, papa. Sorry to bother you all. Ok, je répondrai à la question. Pardonnez-la, elle mélange le français et l'anglais parce que c'est l'anglais qui l'influence le plus. Bien, la première question qu'elle nous pose, c'est la différence entre l'initiation douce et elle dit real initiation. En fait, je vais vous parler de l'initiation douce et l'initiation forte. Initiation douce, maman, si tu nous suis, je l'ai toujours dit, il y a des vidéos qui sont ici, c'est le développement de soi. C'est l'éveil de votre conscience par une prise de conscience individuelle. Donc, ce développement de soi, je vous avais dit, passe soit par certains livres que je vous avais porté conseil qu'il faut lire. Vous pouvez vous cultiver vous-même, vous vous développez vous-même, indépendamment de qui que ce soit. Et deuxièmement, je me suis porté volontaire. En fait, c'est à cause de ça que j'ai créé cette chaîne, car à travers les 27 initiations que j'ai reçues et près de 310 livres que j'ai lus, et là, la somme ne fait que s'augmenter, j'ai là avec moi encore combien? 92 livres. Tout cela m'a permis donc de faire quelque chose qu'on appelle le prêt. Le prêt, souvenez-vous, j'en parle, et je parle du prêt, c'est-à-dire le prêt, c'est, si vous voulez, c'est ça qui vous permet le flat lux de n'importe quelle forme de magie. C'est-à-dire, le prêt, c'est une formulation que j'ai créée et qui peut être disponible à tout le monde. C'est simplement utiliser votre pensée, votre respiration, votre esprit ou vos énergies par la méthode du toucher et pour vous permettre donc d'obtenir ce que vous voulez. C'est ce que j'appelais le prêt. Donc le prêt est l'un des éléments, je n'ai pas dit que c'est l'élément principal, c'est l'un des éléments que vous pouvez utiliser pour la magie douce, enfin pour l'initiation douce. Donc l'initiation douce, retenez cela, c'est le développement de soi. Vous vous développez vous-même. À travers les forums, vous me posez des questions. Par exemple, je vous ai parlé comment vous remplir des énergies des quatre éléments. Je parle de comment vous remplir l'énergie de l'eau. Comment vous protéger à travers l'eau. Comment garder une cuvette blanche d'eau dans votre maison. Ça, c'est l'initiation douce. Ça, ce sont des expériences personnelles. Je n'ai pas lu ça dans un livre. Comment vous pouvez vous baigner de l'énergie solaire, l'énergie du soleil. Ça, c'est la magie d'Isis et d'Osiris. Là-bas, quand j'ai reçu mon initiation auprès d'eux, on m'a montré cette technique-là. Et je l'ai d'ailleurs mise à la disposition des gens. Comment vous baigner de la boue? Je donne un enseignement bien détaillé sur ma page Facebook, Le Guide Inconnu. Je vous montre le rite. Vous vous baignez régulièrement de la boue et je vous ai expliqué pourquoi certaines femmes font les masques. Et ce n'est pas une tradition, ne date pas d'aujourd'hui. En Égypte, les gens faisaient les masques. Chez nous, dans l'Afrique antérieure de l'Égypte, antérieure à l'Égypte, utilisaient toujours ces masques de la boue. Et c'est ce qu'on appelle comment se baigner de l'élément terre, comment se baigner de l'élément air, ainsi de suite. Ça fait partie de la magie douce ou de l'initiation douce. Donc, évitons la confusion. L'initiation douce, c'est votre développement personnel. Vous vous développez vous-même à travers les connaissances que certains initiés vous donnent directement après avoir expérimenté cela et aussi à travers des livres. Ce n'est pas forcément tous les livres qui sont mauvais. Il y a des livres que je peux vous recommander. Il y a des livres, je vous ai donné la liste. Donc, ce que vous pratiquez dans le livre. Maintenant, quand vous avez des difficultés, comme j'ai constaté une personne qui m'a posé la question dans les forums, dans l'un des forums, sur le rite d'Ast ou d'Asset ou d'Isis. En fait, Asset, Ast, c'est Isis. C'est le rite d'Isis, en fait, ce rite-là. Donc, il y a une question qui a été posée, et là, j'ai expliqué. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai expliqué? Parce que c'est un livre, j'ai reçu là, non seulement une initiation dans ce livre, mais j'ai également reçu l'initiation directement par quelqu'un qui fait partie des gens qui ont écrit ce fameux livre sur la lumière, sur le royaume, qui en fait renferme des rites qui ont été puisés des documents de la véritable initiation d'Isis et d'Isiris. Donc, la différence, maman. Maintenant, on va toucher la deuxième initiation. La deuxième initiation, c'est ce qu'on appelle l'initiation forte. Cette initiation forte veut dire, comme le mot le dit, ça ne va pas demander beaucoup de temps. Par contre, l'initiation douce, je vous dis, moi, ça me fait 47 ans, je suis là-dedans. Donc, pour moi, l'initiation douce a fait près de 35 ans avant de constater les changements, avant de constater les mutations, avant de constater les effets maintenant secondaires de ma pratique. Voyez-vous? Donc, l'initiation douce, c'est vraiment un travail personnel. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas un démon qui va venir vous gifler n'importe comment, parce que c'est vous. Par contre, l'initiation forte, vous pouvez là tranquillement aller vous faire initier au Bouti. J'ai recommandé 3 semaines, voire 1 mois. Alors que vous ne connaissez rien du Bouti. Ça, c'est l'initiation forte. L'initiation forte, c'est aussi, ben, vous me demandez une bague, un talisman, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous désirez dans un domaine bien précis. Ça, c'est de l'initiation forte. Parce que vous ne savez pas les forces que moi, qui sont là-dedans. Il n'y a que moi qui connais, ben, je vous dis, voilà, prenez. Mais là-dedans, on vous dira, il faut faire des prières sur cela. Ça, c'est l'initiation forte. C'est-à-dire, l'initiation forte, c'est tout ce qui impressionne votre conscience. C'est tout ce qui est fait de manière brutale et trop rapide, sans une grande préparation spéciale, sans demander des années, des années, des années de réflexion, ou des assises initiatiques, des complications, et des toutes, des bracadabras, et des gymnastiques mystico-spirituelles. Hein? Le Bouti fait partie, l'initiation dans la Macumba brésilienne en fait partie, l'initiation dans le Djembé fait partie, l'initiation dans le Njobi fait partie, l'initiation dans le Vodou en fait partie. Ça, c'est ce qu'on appelle des initiations fortes. Et ces initiations fortes font appel à certains éléments que j'appelle les adjuvants d'élixir. C'est-à-dire, c'est des éléments mysticaux, des éléments qu'on puise de la nature, qu'on met dans votre corps pour permettre à votre âme de sortir de manière brutale. Seule, pourquoi je dis brutale? Parce que vous ne maîtrisez pas votre sortie. Il y a un Ganga qui est là. Il y a un chaman qui est là. Il y a un Nima qui est là. Il y a un Gwebilo qui est là. Donc, c'est vous êtes sous l'eau, votre âme qui sort de votre corps, c'est quelqu'un d'autre qui supervise cela, à la différence avec l'initiation douce. Donc l'initiation forte, c'est celle-là, c'est-à-dire une sortie brutale, une sortie forte. Ça, vous allez manger du bois amer, ça vous fait souffrir, oh mon Dieu, je ne peux pas avaler. J'ai vu, moi-même, j'étais victime, la première fois, j'étais jusqu'à vomir, parce que ce n'est pas facile d'absorber ces plantes amères, là, le dosage qu'on vous donne. Voyez-vous, c'est ça l'initiation forte. Maintenant, sur l'histoire des 3 millions qu'on demande aux gens, bon, ça dépend. Hein. Il faut bien savoir que si vous partez des États-Unis ou bien vous partez de la France, votre initiation en vous, d'après certains renseignements que j'ai pu avoir, il y a des gens qui vous demandent des millions. Et pourquoi? Ben, j'ai demandé quand même. Il dit oui, mais il faut comprendre que toi, à ton époque, si on demandait 300 000 francs ou 400 000, mais la vie a évolué et ensuite, la brousse n'est plus à Libreville. La brousse, il n'y a plus de brousse à Libreville. Bientôt, la zone d'AIME, là, ne deviendra même plus la brousse. Donc, du coup, le bois sacré, les plantes amères, tous ces éléments de la nature, il faut aller maintenant vers le Ntoum. Même Ntoum se change maintenant, il n'y a plus la brousse. Il faut aller maintenant à 90 km de Libreville. Il faut aller loin, loin, loin, à 50 km du Cap Estérias, jusqu'à prendre des risques même de se trouver du côté de la Guinée. Ou encore, il faut aller carrément au lac Kazingo, parce que là-bas, on retrouve la vraie brousse. Bon, imaginez-vous, la personne va aller au lac Kazingo. La personne va aller dans la zone du Cap Estérias. Il faut payer le transport, il faut payer ceci. Et parfois, il faut payer des gens pour aller récolter cette plante sacrée. Et il faut forcément associer un initié parce qu'il peut vous prendre info. Il peut vous mentir que ça, c'est l'iboga, alors que ce n'est pas l'iboga. Bon, maintenant, si vous pouvez vous-même maintenant aller au marché de Nkembo, aller acheter l'iboga là-bas, ça n'engage que vous. Mais un véritable maître initiateur ne va pas vous dire d'aller prendre le bois sacré là-bas au marché de Nkembo. C'est faux. Ça, c'est un bricoleur. Moi, je sais de quoi je vous parle. Parce que le véritable bois, il y a un rite qu'on fait. Le véritable bois sacré, l'iboga, c'est un rite. Quand on prend, on extrait la plante, la racine, il y a un rite. Il y a tout un cérémonial. Moi, j'ai grandi au village. J'ai vu mon grand-père Kakmouika, qui est un Bapindji, qui était le moré de mon grand-père. J'ai vu comment il faisait tout cela. J'étais encore trop jeune. Et jusqu'à ce jour, je vois. D'accord? Et le vieux Bukoso aussi, à Ombwe. Moi, je vois, et plutôt à Gamba, je voyais comment ça se passait. Donc, l'initiation forte, c'est ça. Bon, maintenant, le prix, je disais, certaines personnes ont fait des estimations de 2 à 3 millions. Pourquoi? Mais parce que vous allez payer votre séjour. Combien ça va vous coûter? Si vous restez là-bas pour 3 semaines, moi, c'est ce que j'ai suggéré. Parce que le bouddhiste qui vous dira, venez au Gabon dans 1 semaine ou 2 semaines, je vais vous initier. Moi, je dis, ce n'est pas un menteur, mais je dis, il n'a pas le common sense. Logiquement, il vous faut au moins 3 semaines, voire 1 mois, pour éviter la précipitation. Parce que c'est cette précipitation qui entraîne parfois à certaines personnes d'échouer à leur initiation du bouddhi. Parce que vous êtes trop pressé, pressé. Il faudrait que votre âme soit tranquille. Bref, je vois votre question, elle est profonde. C'est vrai que dans votre question, je vois également pourquoi on paye 3 millions avant d'être initié. Mais, oh, je ne sais pas hein, qui vous a parlé de 3 millions, mais généralement, entre 1 à 2 millions, bon, maintenant 3 millions, je ne sais pas là où ça sort. Si c'est moi qui vous ai dit ça, je m'excuse, mais je crois avoir parlé de 3 000 dollars. Je vous ai parlé de 3 000 dollars, c'est-à-dire 1 600 000 francs CFA. Le 1 600 000, eh bien, c'est le maître initiateur qui va utiliser certainement certaines personnes. C'est aussi la natte qu'on va vous prendre. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques. Il y a la natte qu'on va vous demander. Il y a la peau de bête de la civette qu'on appelle Musingi. Il y a d'autres éléments. Il y a les produits qu'on utilise pour le maquillage. Il y a certains tissus que vous devez porter sur vous. Il y a certains éléments, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà vu ceci, voyez, tout ceci rentre dans une ambiance. Tous ces éléments-ci, c'est de l'argent. Vous allez dépenser. Il y a des coris, il y a ceci, les rafias. Donc, il y a tout cela qu'on prend en compte dans la facturation. Et également, il faut la nourriture. Quand vous allez aller dans la brousse, il faut vous nourrir. Voyez, si vous restez là-bas pendant 1 ou 2 semaines dans la brousse, il va falloir qu'on vous nourrisse. Et tout cela est comptabilisé dans cette facture, je crois, de 1,5 million ou 1,7 million. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui exagèrent, ça devient business, on ne se concentre pas vraiment sur la personne. Je crois avoir répondu à ce deuxième aspect. Quel est le bénéfice de l'initiation forte? Le bénéfice de l'initiation forte, Vous allez découvrir qui vous êtes. Parlons en privé, maman. On pourra vous engager cette discussion. Vous allez découvrir qui vous êtes. Et si vous avez même la chance, vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans la merde. Bon, je sais que vous êtes heureuse, mais il y a des problèmes que vous m'avez expliqués personnellement. Et vous verrez la réponse à ces questions-là. Vous vous rappelez la question que vous m'avez posée, maman, Jeanne? Donc, là, l'iboga, en consommant l'iboga, vous aurez certainement des questions à cela. Voyez-vous, vous aurez sûrement cette chance-là. Non seulement vous aurez l'opportunité, pour certains cas, d'être en communion avec certains des vôtres, mais également trouver la réponse à vos questions. Voilà le bénéfice, mais la liste, elle est longue. Vous aurez également le don de voyance, ça dépend. Moi, j'ai vu des gens, après avoir consommé ça, même pendant une seule initiation, hein, le don de voyance s'est déclenché immédiatement. Et voilà pourquoi d'autres sont autoproclamés maintenant des grands gangas guérisseurs, mais plutôt voyants. Mais en réalité, il faut être patient sur la voie du Bouddhisme. Ça peut se déclencher à la première initiation, mais tout véritable maître initiateur vous dira, il vous faut au moins deux initiations pour être bien assis dans le Bouddhisme. J'ai même vu certaines personnes aller jusqu'à 3-4. Pourquoi? Parce que la première, ça a calboigné. La deuxième, la personne n'a rien vu. Et se retrouver aux mains des bandes de voyous qui ont peut-être voulu la coucher. Et on a vu le cas des initiateurs qui veulent coucher les banji. Bref, ne m'amenez pas là-bas. Les bénéfices sont nombreux, tout comme les méfaits, malheureusement, il y en a nombreux. I'm just thinking about too many things and some don't make sense to me. Okay, now I understand. What don't make sense to you? I think openly and probably, I just answer your question. If you have some doubts and some confusing situations in your mind, I would be more than welcome to help you so. There are some people who are initiated, but their life. Ok, je comprends. Là, ici, elle dit qu'elle a constaté qu'il y a certaines personnes pourtant qui sont initiées, mais leur vie n'est pas vraiment rose. Vrai, vrai. Mais ce n'est pas le fait d'être initié que forcément vous avez retrouvé votre bâton de pèlerinage, que forcément le flaque-luxe s'est manifesté en vous. Voyez-vous? Ce n'est pas ça l'objectif. Voilà pourquoi, maman, I suggest you to go and watch the video entitled Pourquoi beaucoup de gens, au retour de leur initiation, soit ils meurent et quelles sont les raisons pour lesquelles et pourquoi vous vous initiez. J'ai sorti près de 4 vidéos sur l'histoire du Bouddhisme là, sur les initiations, pas seulement le Bouddhisme, sur les initiations qui se passent chez nous en Afrique. Donc, si la personne se fait initier et que la vie n'est pas rose, qui vous a dit que c'est en s'initiant que la vie sera belle? Les vieux papas là qui vivent dans les villages, les vieux bichogos là. Vous les voyez vivre dans des vieilles maisons prêtes à tomber, mais ils ont des grands pouvoirs. Est-ce qu'ils sont malheureux? Non, ils vivent dans un environnement qui les rend très heureux. Alors, ce que vous dites, la vie n'est pas rose, bon, ça dépend de la compréhension. D'accord? Moi, je me suis fait initier. Est-ce que la vie est rose dans tous les domaines? Je dirais non. Mais est-ce que il me manque de l'argent? Non, je ne suis pas fauché, je ne suis pas pauvre. Est-ce qu'il me manque une maison ou des maisons? Non, il n'en manque pas du tout. Est-ce que je n'ai pas des contacts à gauche, à droite? Je vous ai dit même, ça m'a poussé dans la dernière vidéo pour vous dire oui, même si je me présente pour être candidat aux élections présidentielles dans mon pays, je vais gagner, à coup sûr. Et je suis à 99%. Pourquoi je le dis? Mais parce que je suis sur le chemin de la vie rose et je sais pourquoi. Et ça, je peux en partager au public. Il y a tout un protocole dans le plan financier, matériel, mystico-spirituel. Parce que toute la majorité des entités du Gabon, j'ai une bonne connexion avec eux. Donc, tout ça, quand vous voulez le pouvoir, il faut aussi leur demander. Le pouvoir vient d'en haut, hein, on dit ça. Bref, s'il y a des initiés qui n'ont pas une vie rose, je sais de quoi vous parlez, mais parfois, ces mecs-là, ils n'ont pas suivi les principes. Et ce n'est pas des battants. Parce que, et puis voilà, c'est des paresseux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que forcément, il faut aller se faire initier pour devenir quelqu'un dans la vie. Je dis, c'est faux. C'est complètement faux. Il y a des gens qui ne sont pas initiés dans les rites, parce qu'il faut savoir ce que c'est l'initiation. Hein. On parle de l'initiation de la véritable connaissance transcendantale, transformatrice, et la connaissance connaissante qui fait de vous une divinité éveillée en connexion avec la grande divinité universelle. Voyez-vous? Maintenant, quelqu'un qui est rentré dans cette forme d'initiation et que sa vie n'est pas rose, bon, je ne sais pas moi. Avons-nous besoin de la magie? I'm confused, papa. Bon, qui vous a dit qu'on a besoin de la magie? Vous-même, vous êtes déjà la magie. Vous-même, votre vie est un grand mystère. Avons-nous vraiment besoin de la magie? Aujourd'hui, je suis venu vous parler des trois formes de magie, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la magie? Moi, je ne sais pas, moi. Ça dépend. Il y a des gens qui en ont besoin. Vous, quelque part, quand vous plaignez, quand vous dites, je veux savoir ceci, papa, il faut me consulter un peu. Mais parce que vous voulez savoir quelque chose dans la vie. Et dans ce cadre-là, on pourra dire, oui, on en a besoin de cette magie-là. C'est-à-dire la magie qui est simplement la mise en application des lois cosmiques universelles. Et aussi le don de voyance, le don de voir les choses. Vous pouvez pouvoir en parler aux autres, pour expliquer aux autres pourquoi leur vie est calboignée. Oui, nous en avons besoin. Car, de par notre nature, nous sommes une divinité. Et quand on parle de divinité, eh bien, c'est là où le mot magie divine intervient. C'est-à-dire la troisième forme de magie. Avons-nous besoin de magie de... Avons-nous vraiment besoin de la magie? Je dis oui, mais je parle de la magie divine. Maintenant, en tant que commun des mortels, en tant qu'un humain ordinaire, bon, si vous dites à quelqu'un que forcément il faut la magie, ou bien si vous adressez à un pasteur qui, d'ailleurs, ignore que l'acte, la prière est un acte magique, qui ignore que lui-même en tant que pasteur, c'est un mage ou un magicien, alors dans ce cas, évitez même d'aborder cette question. Je dirais oui et non. Pour un mec ordinaire qui n'est pas initié, il n'a pas besoin de magie. Mais pour quelqu'un qui est un initié véritable, il en a besoin. Car c'est cette magie qui a permis aujourd'hui l'Afrique d'évoluer, qui a permis le monde d'évoluer, qui a permis nos frères. Pourquoi il y a des loges maçonniques? Pourquoi il y a des Knights Templars, qu'on appelle ça, les Templiers de l'Ordre et tous ces mecs-là? Ce sont des voies de spiritualité où les gens se retrouvent pour partager certains secrets. Oui, on en a besoin de la magie parce que la magie nous enseigne beaucoup de choses. Il y a des secrets de la vie qui nous ont enseigné, par exemple, la formation des vaccins et tout cela. C'est une forme de magie. C'est de l'alchimie, c'est l'application des principes et ceci, cela. Donc, la magie, ne prenons pas seulement ça dans le sens des sorcières, de véritable sorcellerie au sens péjoratif que c'est pour faire du mal aux gens. Donc, à cette question, je dirais oui et non. Non, pour ceux qui sont des bornés religieux, ils n'en ont pas besoin. Mais ils oublient, là encore une fois de plus, que dans la religion également, les gens fabriquent la magie. Bien, y a-t-il des questions sur l'écran? Maître, l'exemple que vous venez de démontrer là sert à quoi? Quel exemple? Vous parlez de quel exemple? Je ne me rappelle plus, hein, Sandra. Vous parlez de quel exemple là? L'exemple de... j'ai donné l'exemple sur la magie fétichiste. Hein? Je vous ai parlé de la feuille de laurier séchée que vous pouvez trouver chez n'importe qui dans les magasins là-bas. Et je vous ai parlé de l'encens pontifical et de la feuille de sage, la feuille de sage blanche. D'accord? Et puis, vous faites un bain de purification avec. C'est pour la protection. C'est pour purifier de votre âme. Si vous sentez votre âme très lourde, si vous sentez très fatigué, vous avez eu des menaces, vous avez eu des attaques mystiques, vous avez fait des cauchemars bizarres. Les cauchemars, je vous ai expliqué la dernière fois que c'est soit parce que vous mangez trop, soit parce que vous mangez les viandes avant d'aller au lit, le ventre est bourré, vous avez plus les alcools. Ça, c'est les cauchemars. Mais indépendamment de tout cela, si vous êtes un mec qui respecte les règles de la vie, les règles hygiéniques, alimentaires, et que vous ayez des cauchemars, le cauchemar qui est une forme d'attaque mystique d'un individu, ça se différencie avec un simple cauchemar qui est lié avec un ventre qui est bourré de nourriture. Donc, le rite que j'ai montré, c'est pour la protection, pour la purification, d'accord? Pour vous protéger momentanément et pour vous purifier à la longue. La même chose, comme je vous ai montré la technique de la purification de votre aura, puisque tout se passe au niveau de votre aura, mais cette fumée qui est la combinaison chimique de la feuille de laurier, les feuilles de laurier séchées, l'encens pontifical, les feuilles de sauge blanches, tout cela, c'est ce mélange-là qui purifie votre aura, qui purifie votre âme et qui vous donne la paix de l'esprit. Et c'est aussi un bon parfum qui attire les entités de l'au-delà, les anges qui se chargent de la protection divine. Voilà, c'est ce que je peux vous donner comme réponse par rapport à cette question. Avez-vous une autre question? Ok, Yann, mon fils, me dit sur les cadenas, c'est justement la raison pour laquelle il ne faut pas faire de cadenas à vie, mais temporairement. Oui, je crois que tu m'avais déjà posé cette question. Je l'ai évité, mais je t'avais dit que l'histoire des cadenas, là, moi, je ne conseille pas ça. Mais malheureusement, ça fait partie des fétiches. Il y a des gens qui aiment faire cela. Par contre, l'histoire de cadenas à temporaire, oui, j'ai essayé de mener mes enquêtes. Malheureusement, moi, ce qu'on m'a pris, c'est d'avis, parce que vous allez jeter ce cadenas-là au cabinet, au WC chez nous en Afrique, ou bien vous partez le jeter carrément à la mer, ou bien dans un marigot où il y a des caïmans. Mais si vous faites cela, ça, c'est un blocage d'avis. C'est pour toute la vie. Parce que qui va aller prendre ce cadenas pour ouvrir? Par contre, on m'a montré une autre méthode qui est un cadenas temporaire. C'est-à-dire, on va vous dire d'aller mettre ça quelque part dans une maison ou dans un lieu que vous pouvez avoir accès. Hein, Yann, mon fils, ça existe. Il y a les gens qui le font. Moi, je ne savais pas, il fallait que tu me poses cette question-là. On en a parlé la dernière fois. Quand est-ce que vous ouvrez votre école initiatique? Ah! Mais comment vous me posez la question à mille et une fois, Kassongo? Qu'est-ce qui ne va pas? Avez-vous les moyens pour ouvrir cette école initiatique? Vous parlez de quelle école initiatique? Je vous ai dit que je ne peux pas ouvrir une école initiatique en ligne. Et je ne fais que le répéter tous les jours, Kassongo. Vous êtes le seul, apparemment, qui n'a pas compris cela. Je ne peux pas perdre ma salive sur ça. Je sais, je vous ai déjà donné mille et un exemples qu'il y a des voleurs qui m'ont pris mes rites. Et vous pensez que ça m'ouvrira une école électronique? Et l'école électronique, est-ce que vous savez les dangers que ça représente? Moi, je connais beaucoup de gens qui ont ouvert des écoles à distance. Il y a mon fils Yann qui peut m'en témoigner. Et quand ils ouvrent ces écoles, ce sont des égrégores que vous créez. Et vous savez comment? Quand vous, là, on va vous demander d'entrer dans cette école initiative et à la fin, vous amenez des bricoles, des conneries, vous. Je ne suis même pas ce que vous faites dans votre vie. Vous allez amener des pratiques bizarres. Non, je préfère une école initiatique traditionnelle comme mes frères me l'ont fait là-bas à Pointe-Noire et à Brazzaville. Parce que là, le maître est là, l'école est là, et les gens passent directement comme ça s'est passé en Égypte. Moi, je reste dans la vieille école. On appelle le old school style. Mais moi, je ne veux pas faire des histoires des écoles initiatiques en ligne, Kassongo. Je ne fais que vous le répéter. Ça fait déjà près de 5 fois que vous me posez la même question. Je n'exagère pas. D'accord? Cela doit être clair. Je ne peux pas ouvrir une école initiatique électronique, c'est-à-dire telle que beaucoup de personnes le font, parce qu'il y a des choses que je préfère vous en parler. Quand vous ouvrez une école initiatique électronique, est-ce que moi je peux savoir, toi, Kachongo, dans quelle maison tu te caches, sauf si j'ouvre mon vampire. Maintenant, quand je vais ouvrir mon vampire pour venir chez toi, et vous direz que non, le maître là contrôle les esprits des gens. Parce que c'est ça le problème avec les écoles magiques, initiatiques, à distance. On contrôle vos âmes. Ah oui, je vous le dis honnêtement. Celui qui vous dira le contraire, c'est un menteur. Je connais beaucoup de gens, Togolais, Béninois, Congolais, qui ont des écoles initiatiques à distance. Mais savez-vous le travail qui se fait là-dedans? Ils donnent des enseignements. Ces enseignements qu'ils donnent, ils les font. Il y a certains qui le font avec des entités. Et ces entités-là vont vous contrôler électroniquement, vont carbonier vos vies. Mais maintenant, pour le faire, il faut faire quoi? Mais je suis honnête avec vous. Il faut sortir un vampire, il faut biloquer pour que je sache le nombre de personnes et qu'est-ce que vous faites dans vos vies. Et ça demande beaucoup de sacrifices. Je vais convoquer toutes mes entités. Il faut leur donner des sacrifices, soit de sang, soit des aliments, je ne sais pas pourquoi. Vous voulez tout savoir sur l'école initiatique électronique, hein, je dis bien. Par contre, une école initiatique comme cela se passe en Égypte, ça existe, à Memphis, ça existe à Alexandrie. Il y a une école initiatique là au Canada, là en Californie où j'en reviens. Nous avons une grande école de l'ordre, je ne veux pas en parler de ça au public, hein, là où j'ai été invité par mes frères blancs. Voilà une école initiatique, ça doit être physique, matériel. Les gens viennent, ils font des rites, on voit qui est qui. Et on vous regarde, et ainsi de suite. Mais quand on allait me parler des écoles initiatiques électroniques, j'ai dit bien Kassongo, la réponse est non. École initiatique, je ne fais que le répéter. Au Congo, à Pointe-Noire, j'ai intérêt en PACA. Oui. Mais je ne veux pas vous dire si ça a commencé ou pas. Il y a des travaux ou quoi, quoi, quoi. Ça, c'est des moyens personnels et mes connaissances ici qui me soutiennent. Maintenant, si monsieur ou madame Kassongo, je ne sais pas, vous êtes volontaire de m'envoyer un chèque de 1 000 ou de 10 000 $, il n'y a pas de problème, ça va contribuer. Et puis, voilà, on vous donnera la personne en charge pour vous parler de cette fameuse école initiatique. Mais c'est en cours, mais ce n'est pas en ligne, je le répète. D'accord? Et pour le moment, j'ai un contrat avec le gouvernement américain pour lequel je travaille, de mon État. Ce n'est pas une priorité pour moi pour le moment parce que je ne vois pas l'engouement de certaines personnes qui, la plupart, ne viennent que pour chercher des fétiches pour vite, vite avancer dans la vie. Or, ce n'est pas ça l'objectif de mes écoles initiatiques. Ce n'est pas pour venir former des apprentis sorciers et pour aller faire du mal aux gens et manipuler les esprits des gens. Donc, j'espère que j'étais clair, je ne vais pas me répéter. Quand on ouvre des écoles initiatiques à distance, il y a des égrégores qui sont mis en jeu et le gourou ou le maître qui ouvre cette école va contrôler vos âmes et vous allez vous plaindre demain après-demain si vous avez maintenant des problèmes. Oh non, ça ne va pas, j'ai des cauchemars. Oh, je crois que ce type-là, il a fait ci, cela sur moi. Voilà la réponse que je peux vous donner. Voilà mon fils qui vous dit la vérité ici. Oh. Lui-même, il est en train de vous dire. Voilà. Voilà quelqu'un. Mon fils, Yann, est en train de vous dire tout. Donc, cette affaire d'école-là, pardon, ne me parlez pas de ça. S'il vous plaît, maître, si vous êtes incarné par un ancêtre hautement mystique, quelle initiation faut-il faire pour réveiller ses pouvoirs? Comment vous allez poser une question comme ça, vous aussi? Si vous êtes incarné par un esprit autrement. Mais il faut d'abord vous initier d'abord pour savoir qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être incarné. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne pouvez pas être incarné par un autre esprit. Vous-même d'abord, il faut savoir qui vous êtes. Lorsque vos pouvoirs étonnent, Lorsque les gens se posent des questions sur vous, mais ce mec-là, mais ce n'est pas possible. Oh là là, depuis le jeune âge. Mais il y a des initiations, tout comme le Dalai Lama là, que vous voyez là. À l'âge de 5 ans, il a dit aux gens, voilà, j'étais ceci, j'étais ici. Jusqu'à aller montrer le WC où il allait cabiner. Jusqu'à faire. Les gens ont dit, oh ben c'est Yayo, voilà donc c'est lui. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Que vous ne pouvez pas être incarné par un esprit quelconque. Mais c'est vous. Si vous, le nom que vous portez, je ne sais lequel, vous êtes cela, mais il faut vous initier. Moi, je ne suis pas l'esprit de quelqu'un d'autre. Je suis ce que je suis. À travers plusieurs mutations. Et j'en parle aux gens. Je n'hésite pas. Il y a de cela 185 ans exactement que j'ai été dans ce phénomène du déjà-vu. C'est la question là, du déjà-vu, avoir été. Vous avez l'impression de vivre la même chose. Vous avez l'impression de vous souvenir, mais tiens, mais j'étais ici il y a de cela 100 ans, 200 ans, mais mon Dieu, comment cela? Mais c'est là où il y a l'initiation qui intervient. Et c'est l'initiation donc qui va vous dire qui vous êtes. Et c'est là que vous allez découvrir si vous êtes justement, comme vous posez votre question, que vous êtes un ancêtre hautement mystique. D'accord? Moi, je suis un ancêtre, mais je suis ce que je suis. Je suis mystique depuis près de 185 ans. Je suis conscient de cela. On appelle ça être conscient de son initiation. D'accord? Je suis à une incarnation consciente il y a de cela 185 ans. J'ai déjà expliqué ça à plusieurs fois dans mes forums. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients de cela. Donc, c'est l'initiation qui vous le rappelle. Ce phénomène d'avoir été, ce phénomène de se souvenir d'avoir parlé de ceci, par exemple, en 1794. Ce n'est peut-être pas peut-être la véritable date, mais je crois que c'est vers le 18e siècle. J'ai comme l'impression que je parlais de ceci. Mais ce n'est pas une impression. C'est mon âme qui était là-bas, à cette époque, dans la zone du Centrafrique. Et ça ne s'appelait pas Centrafrique. Pourquoi je partage avec vous mon expérience? Mais c'est vous, il faut vous initier. Voilà, c'est ça. Il faut vous initier. Est-il possible d'entrer en contact avec les entités de l'astral sans passer par la magie cérémoniale? Possible de rentrer avec les entités de l'astral. Je ne sais pas ce que vous appelez les entités de l'astral. Comment pouvez-vous vous permettre de rentrer en contact avec les esprits des autres sphères mystico-spirituelles? Parce qu'il y en a plusieurs niveaux. Hein? Il y en a cinq rayons. Et dans ces cinq rayons, c'est différentes entités. Comment vous pouvez-vous permettre de rentrer là-dedans si vous ne vous faites pas initier? Même vous-même, vous voyez la question là comment? C'est comme si vous posez la question, est-ce qu'il me faut forcément être initié pour que je puisse sortir en vampire et aller à la planète Mars? Mais bien sûr que oui. L'initiation, c'est quoi? Mais c'est le béaba. C'est la connaissance connaissante, c'est le savoir. Il faut savoir, vouloir, oser et se taire. Et le se taire, c'est lorsque vous aurez maintenant acquis, lorsque vous avez vu qui vous êtes et vous revenez et vous gardez votre secret, c'est à vous. Je ne peux pas, moi, me permettre de vous partager mon secret. Qui j'ai vu, qu'est-ce que j'ai fui, ou bien qu'est-ce que j'utilise comme pouvoir pour pouvoir faire ceci, ou avoir le succès, ou dominer les gens, ou bien pourquoi je m'entête que si je me présente président, je serai président, et je vois. Mais ça, c'est les secrets qui font partie de cette ère. Donc, à votre question, je dirais, oui, il faut vous initier. Est-ce que je mal lu votre question? Est-il possible d'entrer en contact avec les entités de l'astral sans passer par la magie cérémoniale? La magie cérémoniale, c'est une forme d'initiation. Vous ne pouvez pas, si c'est dans ce cadre précis, je vous ai pourtant parlé des trois formes de magie. Vous pouvez aller en contact avec les entités de l'astral, soit par la magie divine, qui est l'initiation douce. Voyez-vous? C'est-à-dire vous êtes développé. Moi, personnellement, je ne passe pas par la magie cérémoniale, hein, pour communiquer avec qui que ce soit. Ou bien pour voyager dans n'importe quel milieu. J'utilise mon esprit à moi. Et là, je n'ai pas besoin de passer par des intervenants. Mais chacun à son niveau. Il y a même certains maîtres qui sont obligés de passer forcément par des cérémonies. Car ce sont ces cérémonies qui sont un ensemble des techniques. C'est un ensemble de techniques dans vos cérémonies-là, dans ces rites cérémoniels que vous faites. C'est pour préparer votre âme de se propulser. C'est comme l'avion avant de pouvoir voler. Mais il y a le préchauffage de l'avion, il y a ceci, cela, il y a la communication avec la tour qui dit ceci, mais c'est comme vous en tant qu'entité divine, vous en tant qu'esprit, parce que là je crois à M. Kassongo, là je vous parle en tant qu'esprit. Vous en tant qu'esprit, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans d'autres milieux rencontrer des esprits de l'astral sans pourtant passer par. Ça, c'est au départ en tant qu'esprit d'un certain niveau. Mais quand vous êtes maintenant un maître, vous maîtrisez tous les niveaux, vous maîtrisez tous ces cinq rayons-là, hein, vous maîtrisez ces égrégores, c'est-à-dire les esprits qui, les histoires de bas Jésus, les bas Mahomet, toutes ces histoires de bas Bouddha, là, tous ces égrégores-là, si vous les maîtrisez, si vous maîtrisez toutes ces entités, eh bien, dans ce cas, vous n'avez pas besoin. Pourquoi? Parce que là, vous êtes devenu un divin. Vous êtes devenu, vous faites maintenant ce que je... C'est pour ça que je vous ai dit, la troisième magie, c'est la magie divine, la magie théurgique. Dans cette magie théurgique, qui n'est pas forcément une manipulation ritualique, forcément une manipulation des éléments comme une magie cérémoniale. La réponse dans ce cas est non. Vous n'avez pas besoin de faire ces histoires de pratiques cérémoniales si vous pouvez vous communiquer avec les entités de l'au-delà. Soit vous pouvez le faire soit par des fétiches de chez nous, c'est-à-dire des tactiques, des pratiques sorcières africaines, ou bien vous faites simplement la magie théurgique. La magie théurgique qui est votre propre communion. Moi, il suffit que je pense, je m'assois, quand je finis de parler avec vous, je prends au moins 30 minutes de méditation, je communique et je reçois des messages. Et quand je reçois ces messages, je suis en communion avec la maître invisible. Est-ce que j'ai besoin? Non, c'est sous couvert de ma méditation, sous couvert des techniques du pranayama que je maîtrise parce que Kundalini, le serpent de feu, est en moi. Ça, c'est ma méthode. Je n'ai pas besoin de faire une cérémonie. D'accord? Je crois avoir répondu à votre question. Bien, j'ai terminé, j'en ai terminé puisqu'il n'y a plus d'autres questions. Quels sont les psaumes pour attirer le bonheur, l'intuition? Hein? Odette, ça fait partie de ce qu'on appelle la mystique chrétienne. Dans la mystique chrétienne, il y a une liste des passages bibliques que vous pouvez utiliser afin de déclencher certaines forces. La mystique chrétienne, c'est un peu comme le soufisme que je maîtrise également dans l'islam. C'est tout simplement la magie pratique de l'Église chrétienne, quelle que soit l'obédience. Il existe des psaumes. Il y a plusieurs psaumes. Je vous recommande de commander, le livre intitulé « Les 151 psaumes de David et la clé ». Je répète, commandez le livre « Les 151 psaumes de David et la clé ». Là-dedans, on va vous donner chaque psaume avec un plan bien précis. Je ne viendrai pas honnêtement, je connais seulement quelques psaumes, le psaume de protection, le psaume de voyance, le psaume de protection, bien sûr, c'est le 91, le psaume d'allonger votre vie, de vivre longtemps sans tomber malade, c'est le psaume 90, le psaume 40, c'est le psaume de voyance, le don de voyance, le psaume 27 et 23, c'est le psaume de protection, d'attirer les entités de l'au-delà, les anges, le psaume numéro 1 et 3, c'est le psaume qui vous permet de toujours méditer et de garder une connexion avec les génies des quatre éléments, donc eau, feu, terre, air. Bref, je ne veux pas citer tous ces psaumes-là ici. Voyez-vous, par rapport à votre question même, c'était quoi là? Quel est le psaume qu'il faut quoi? Quels sont les psaumes pour attirer le bonheur? Ah d'accord, là vous parlez de deux éléments, hein, parce que vous avez mis le bonheur, bon je comprends. Pour attirer le bonheur et l'intuition, mais là c'est deux différents, c'est deux choses différentes. Le psaume 23 et le psaume 27, vérifiez ça. Il dit bien que le bonheur et la puissance ou quelque chose comme ça m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ça, c'est l'un des psaumes que vous pouvez utiliser pour le bonheur. C'est soit le psaume 23 ou 27, vérifiez. Maintenant, pour l'intuition ou la voyance, c'est le psaume 40. Je l'ai dit la dernière fois. Vérifiez entre le psaume 39 et 40. D'accord? Voilà. Mais ensuite, il faut avoir la clé. Vous n'allez pas seulement lire ça comme ça, là, lire comme ça. Non, non, non, il faut une clé. Voilà pourquoi je vous ai recommandé de commander le livre de les 151 psaumes de David et la clé des 151 psaumes de David. Autre question. Quel effet se manifeste quand on pratique le rituel du pentagramme d'évocation? OK. Quels sont les effets, hein? Je vous renvoie... Quand vous posez la question là, vous avez ce livre. Allez-y relire le livre là. Allez-y le relire. C'est là, on vous donne la réponse. Puisque vous avez le livre, vous me posez la question. Avec l'encens, oui. Retardataire, bien le bonjour familial, de rien. J'en ai terminé, que Teta Monga vous bénisse. Et je ne sais que regarder ma montre parce que je dois aller au boulot dans 30 minutes. Merci encore pour ce monsieur riche, je ne connais pas son nom de famille, qui anime le forum au Kasoulobaba Maroc. Vraiment, je suis très content parce qu'au moins j'ai confi au moins je sais que je peux dormir les yeux fermés. Et quelqu'un là, voilà, il est dans le rich group. Rich group, je ne sais pas. Donc, je remercie beaucoup cette personne-là pour le travail que là, il fait. Et je crois que c'est à cause de lui que j'ai dû sortir cet enseignement-là, les bienfaits et les méfaits des rites que nous faisons. Est-ce que nos pratiques traditionnelles sont-elles en relation avec les ères astrologiques? Les pratiques traditionnelles que nous faisons, ce sont des pratiques qui permettent l'éveil de votre conscience et de vous connecter avec la conscience universelle. Pardonnez-moi de parler ainsi, mais pour dire tout simplement que les pratiques traditionnelles que nous faisons nous connectent avec les divinités. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord? C'est ça la réponse que je vais vous donner. Vous pouvez appeler ça les ères astrologiques. Bon, nous, est-ce que chez nous en Afrique, on connaît l'histoire des ères astrologiques? Les traditions africaines, les pratiques traditionnelles vont au-delà des ères astrologiques, vont au-delà des mouvements astrologiques. On n'a pas besoin d'attendre que la Lune soit au carré, que la Lune soit pleine, que la Lune soit comme si, pour pouvoir faire une ritualité quelconque africaine. On n'a pas besoin de ça. Donc, à répondre à votre question, non, on n'a pas besoin des ères astrologiques sur les pratiques, pour que je ne puisse pas mal répondre à votre question. Est-ce que nos pratiques traditionnelles sont-elles en relation? Ah oui, il y a une relation, mais elle se fiche pas mal de ces ères astrologiques-là. C'est-à-dire que la pratique traditionnelle africaine, elle se fiche. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans ce mouvement stellaire, ère astrologique ou quoi que ce soit, sauf si j'ai mal compris la question. Voilà la réponse que je peux vous donner. Oh, d'accord, paradis du fleur. Ah, c'est la première fois que vous regardez mon émission, j'ai aimé. Ok, merci beaucoup. Oui, vous pouvez rentrer à travers. Donc, je vous remercie, nous allons nous quitter. Et puis, je vous fais passer rapidement la chanson que j'aime bien. Pardonnez-moi, c'est chanté en langue guichir, qui veut dire tout simplement que tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Maintenant, si vous rejetez cette vérité, c'est pas mal. Moi, je ne veux pas vous en vouloir. Je ne veux pas vous en vouloir. Il faut seulement choisir ce qui est bon. Rejeter ce qui ne vous convient pas. Voilà ce que je peux vous donner, porter comme conseil. Mais en réalité, tout ce que je dis là, c'est mon expérience, plus les connaissances que je reçois auprès de mes aînés, des gens qui connaissent mieux que moi. OK? Donc, nous allons passer rapidement à la conclusion. Je vous remercie donc tous, une fois de plus, d'avoir assisté et participé à mon live. Kassongo, tu es un bon étudiant. Merci beaucoup pour les questions que tu poses. Mais pardonne mon ton sur l'histoire de l'école là, parce que je te dis que je suis au courant. Oh, les gens qui ont ouvert des écoles initiatiques là à distance. Oh là là, des vrais manipulateurs, des bandits. Ils sont en train de manipuler les esprits des gens n'importe comment. Mais moi, je vais garder ma dignité. Au niveau où je suis, je n'ai pas besoin de manipuler l'esprit de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de prendre des énergies de qui que ce soit. D'accord? À l'époque, oui. Quand j'en avais besoin de force, j'allais prendre des jeunes femmes et puis ces jeunes femmes-là, j'allais voler les énergies auprès d'elles. Ça, ce n'est secret de personne. La plupart de ces vieux maçons-là, c'est ce qu'ils font. Maintenant, au niveau où je suis, je n'ai plus besoin de ça. Je vais embrasser un arbre, l'arbre va me donner l'énergie. Ma chienne-là, je connais comment communiquer et rentrer en symbiose avec l'énergie de ma chienne. Ça, c'est des trucs naturels. D'accord? Donc, soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien et je vous prie d'apprécier la chanson. Elle est chantée en langue de ma langue guichir, qui est la langue maternelle de ma mère, je voulais dire. Sadet Merci. Que Tetamwanga, Libangavanga vous bénisse. Merci. Puisse-t-il vous apporter toujours la lumière de la connaissance. Puisse-t-il purifier votre âme. Puisse-t-il vous donner l'esprit de vision et de sagesse, de toute connaissance qui vous est soit exposée, soit par moi ou par quelqu'un d'autre. Et que vous preniez ce qui est bon pour votre propre élévation. Et que vous marchiez sur les quatre principes spirituels et de l'élévation de votre âme. De ces principes qui sont 1. Vouloir. Savoir. Oser et se taire. Et sur ce, ça vous permettra également de vous harmoniser avec les quatre attributs de Tete Mwangali Bangabanga. Et ces quatre attributs feront de vous quelqu'un d'équilibré et de puissant. Feront de vous cet homme qui ne fera pas seulement que le bien, ou ne fera pas seulement que le mal, mais fera de vous le pilier des deux forces de la nature, la force du bien et du mal. Et c'est ainsi que face au mal, vous n'avez pas le droit de baisser le bras et de devenir une lâche ou bien un lâche. Vous avez le droit de faire le mal pour votre propre protection. Oui, Tete Mwanga, c'est comme ça qu'il a créé l'univers. C'est comme ça qu'il a donné le pouvoir, autorité et domination à l'homme. Ainsi donc, l'amour, la puissance, la justice et la sagesse vous accompagneront tout au long de votre vie. Merci encore. Merci beaucoup.